British. Salut, c'est Sylvain Fanet dans British Connection. Alors, je suis là pour vous parler d'un livre que j'ai publié au mois de novembre dernier aux éditions Le Mot et le Reste. C'est un livre qui est consacré au groupe Depeche Mode, qui s'appelle tout simplement Depeche Mode d'ailleurs. Et c'est une biographie effectivement que j'ai écrite pour rendre hommage à ce groupe majeur qui a débuté au tout début des années 80, donc qui est vraiment un groupe au départ emblématique de ce qu'on a appelé la New Wave, et notamment de sa partie la plus synthétique, la synth-pop. Bon, vous le savez tous, évidemment, Depeche Mode, c'est beaucoup plus que ça, puisque le groupe a énormément évolué en plus de 40 ans de carrière. Il y a eu, à la fin des années 80, une percée américaine spectaculaire qui leur a permis vraiment de diffuser, finalement, leur musique à un public énorme. Hein, donc, et les choses ensuite ont pris une autre dimension, ils se sont mis vraiment à jouer dans des stades et plus rien n'a été pareil. Et leur musique aussi a évolué à partir de ce moment-là vers quelque chose de soit plus pop, soit plus rock aussi, en restant toujours quand même très ancré dans les sons électroniques. Hein, l'influence de Kraftwerk, de Bowie aussi est vraiment très, très forte chez Depeche Mode. Et puis il y a eu aussi... dans les années 2000, à partir des années 2000, de plus en plus de retours de la guitare. On s'est rendu compte aussi que finalement Depeche Mode était peut-être un groupe de blues, tout bêtement, qui arrivait à dissimuler ça derrière des sons électroniques. En tout cas, c'est un groupe d'une richesse musicale qui est vraiment très importante, qui dépasse largement le champ de la New Wave. Et c'est un petit peu tout ça que j'avais envie de retracer, de rendre hommage vraiment à des musiciens qui, à mon sens, et notamment je pense à Martin Gore, le principal compositeur, ont été vraiment capables, durant un certain nombre d'années, de publier un nombre de singles absolument incroyables et d'une qualité de songwriting vraiment, vraiment remarquable. Alors pour commencer, effectivement, je voulais faire un petit focus sur un album que je trouve très, très intéressant et un peu charnière dans la carrière du groupe. On est en 1986, le groupe s'est installé à Berlin, et surtout même Martin Gore vit à Berlin. Et il compose donc l'album Black Celebration, qui est un album beaucoup plus sombre, avec des textures industrielles, beaucoup plus noires, et des choses globalement plus complexes. Et je vous propose d'écouter un premier extrait qui s'appelle Stripped. British Connection, avec vous depuis 1982. You rock! Television. Let me hear you speak. Alors, en écrivant cette biographie de Dépêche Mode, j'ai pas cherché spécialement à réécrire l'histoire ou à apporter des révélations ou des scoops sur ce groupe. Il y a déjà eu des livres qui ont été consacrés à Dépêche Mode. Il y a déjà beaucoup d'infos qui circulent. Ce que j'ai essayé de faire, c'est plutôt de donner un peu ma vision de ce groupe. Une manière à moi de raconter cette histoire qui effectivement s'écoule sur pas mal de décennies. D'essayer aussi d'ancrer toujours l'évolution du groupe par rapport aux évolutions musicales de l'époque et même aux évolutions de la société culturelle. Qu'est-ce qui se passait à la fin des années 80, au début des années 90 par exemple. Mais justement, c'est un point intéressant dans l'histoire de Dépêche Mode, puisque après le succès gigantesque de Violator au début des années 90, en 90 même, avec des tubes que tout le monde connaît comme Personal Jesus ou Enjoy the Silence, il y a eu une vraie crise quand même un peu d'identité du groupe. Dave Gahan est parti s'installer aux États-Unis. C'était vraiment l'explosion du grunge à ce moment-là, avec évidemment l'arrivée de Nirvana notamment. Et évidemment, il est revenu un peu plus tard voir ses copains londoniens avec un look complètement changé, une barbe, des cheveux très longs, des tatouages partout. Il leur a dit « Les gars, maintenant, il faut vraiment faire du grunge ». C'est pas vraiment ce qui s'est passé, mais néanmoins, sur l'album suivant, Songs of Faith and Devotion, on remarque effectivement que Dépêche Mode a pris un tour beaucoup plus rock. C'est un album vraiment qui est très intéressant de ce point de vue-là. Et il y a un morceau que j'aime particulièrement qui s'appelle In Your Room et qu'on va écouter désormais. Écoutez une seule fois British Connection. Et il y a toutes les chances que vous ne vouliez plus rien écouter d'autre. Soon, all I always be here. your favorite passion, your favorite game, your favorite mirror, your favorite slave. I'm hanging on your words, living on your breath, feeling with your skin. Will I always be here? I'm hanging on your words, living on your breath, feeling with your skin. Will I always be here? Hanging on your words, living on your breath, feeling with your skin. Will I always be here? Hanging on your words, living on your breath, feeling with your skin. Will I always be here? Will I always be here? Will I always be here? Bien sûr, intéressant aussi dans un groupe comme Depeche Mode, c'est d'essayer de voir comment les relations entre les membres du groupe ont pu exister, évoluer au cours des années. Ça a été quand même assez complexe. Hein. On l'a dit au départ, il y avait Vince Clarke qui est très vite parti, mais c'était vraiment le leader. Donc le groupe s'est retrouvé presque orphelin dès le deuxième album. Martin Gore qui était quelqu'un d'assez effacé, mais avec un grand talent de songwriting, a pris les commandes du groupe. Il s'en est évidemment très très bien sorti, mais c'était pas si évident. Et puis il y a la personnalité du chanteur Dave Gahan qui au départ était là un peu pour occuper le terrain parce que ils étaient tous derrière des synthétiseurs et sur scène c'était pas vraiment palpitant, donc lui il était là un petit peu pour mettre l'ambiance. Il s'est trouvé que non seulement il bougeait bien, mais il avait une voix vraiment exceptionnelle qu'il a travaillé jusqu'à devenir finalement ce personnage extrêmement charismatique qui fait bouger des stades, qui fait bouger les foules. C'était pas une évidence au départ. Et puis il y a eu aussi toute ce jeu un peu étrange entre Martin Gore et son double Dave Gahan, qui chantait vraiment les paroles de Martin Gore, mais qui lui-même était quelqu'un qui voulait et qui essayait de composer. Et ça a pris beaucoup d'années aussi pour qu'il arrive à imposer à Martin Gore le fait de signer quelques chansons sur des albums de Depeche Mode. Il a fallu attendre carrément les années 2000. Et entre-temps, le succès aussi a fait que certaines personnalités du groupe, et surtout Dave Gahan, ont sombré quand même dans la drogue, dans une certaine déchéance. Ça a été terrible dans les années 90 pour Dave Gahan. Il a vraiment failli laisser sa peau entre l'alcool, la drogue, les tentatives de suicide. Le groupe a failli s'arrêter. Puis finalement, Alan Wilder, le clavier du groupe, est parti. Et finalement, le groupe est revenu en 97, un peu discrètement, mais avec un album qui est un de ses meilleurs, qui s'appelle Ultra, qui amorce vraiment le son des années 2000, avec un son à la fois très électronique, assez dark, et puis quand même des morceaux encore qui sont assez rock. C'est justement, pour finir, un morceau de cet album que je voudrais vous faire écouter. Et ce morceau s'appelle Barrel of a Gun. British Connection, enfin l'émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. We'll be right back. voracious appetite visits me each night. I won't be satisfied, won't be denied. Connection. British Connection. Enfin une émission rock. Enfin une émission rock. Émission rock. Qui passe ce qu'on n'entend pas. Qui passe ce qu'on n'entend pas. Sur les radios rock. British Connection, just rock. To my wall. British Connection, l'émission rock, vous propose l'album de la semaine. Découvrez trois titres d'un groupe que les autres radios ne prennent pas le temps d'écouter. Et c'est la dernière partie de l'album de la semaine. C'est un EP, Broken Face, Live to Lie. T'as été accueilli par des âmes qui t'ont sorti de ta routine. Tu t'es endormi au son d'une fable dont la morale était câline. Un vent de liberté soufflait sur toute la ville. T'as dû passer mille nuits la fenêtre ouverte. Dehors, les voix te disaient de pas te faire de bile pour que tu sortes courir à ta perte. Jeune, laisse ta console, jette ton mobile, ne mange plus dans les fast-foods. Ouvre-toi au monde. Écoute British Connection, l'émission rock qui t'aime et prend soin de toi.